Mirë se vini në Radio Campus Grenoble. Ne jemi drejt për drejt nga Shkolla Arkitekturës së Grenoblës. Mund të ndiqni në frekuencën 90.8 në kuadër të hapjes Radio Studio. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM en direct de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. On commence notre journée complète en direct de l'École d'architecture avec une présentation d'un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Sociologie de Grenoble, et je laisse la parole à Camille Mortelette qui est enseignante chercheuse à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine pour mener cette discussion et présentation de l'ouvrage. À Grenoble, il y a une phrase célèbre qui dit « Au bout de chaque rue, une montagne ». Cette phrase, associée à Stendhal, chaque Grenoblois, Grenobloise, habitant historique ou récemment arrivé, l'a entendue un jour. Je dirais même qu'on l'a sûrement un peu trop entendue. Elle est devenue un moyen commode, voire un lieu commun, pour résumer l'image de cette ville, moyenne grande, coincée entre trois massifs et deux cours d'eau. Pourtant, elle échoue à la résumer. Certes, la montagne, ses pentes et ses sommets polarisent en partie l'identité de Grenoble et de ses habitants, mais elle ne dit pas tout de l'essence forcément plurielle de la capitale du Dauphiné, plus récemment autoproclamée capitale des Alpes. Alors bien sûr, il y a des moments où le caractère montagnard de la ville ressort. Ces gens à vélo qui foncent vers Belledonne aux premières neiges avec leurs skis en X dans le dos, ou ces randonneurs qui s'agglutinent à la gare routière à partir des mois de mai et juin. Mais il existe d'autres usages et d'autres images de Grenoble au pouvoir tout aussi évocateur. Tant évocateur que ça fonctionne aussi à la radio. Grenobloise, depuis un peu plus de 3 ans, les terrasses ensoleillées du Capri, les graffitis dans les rues de Saint-Bruno, les soirées d'écoute au 102, les apéros mix de la déjà regrettée Bobine, les allées parsemées de caddies à la Villeneuve, et tous les gens qui peuplent avec moi ces lieux constituent ma sociologie très personnelle et intime de Grenoble. Mais pour avoir une vision un peu plus décentrée de la ville et prendre un peu de hauteur sur son histoire, ses héritages et ses évolutions, et tenter de mieux la comprendre, je vous propose aujourd'hui de traverser ensemble cette ville et un livre paru il y a peu, j'ai nommé « Sociologie de Grenoble ». Pour en discuter ensemble, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 de ses auteurs et autrices pour une petite heure d'émission. Alors Natacha, Louise, Grégory, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Pour commencer, il serait peut-être utile de recontextualiser l'écriture de cet ouvrage. Sociologie 2 est devenue au fil du temps une grande saga de portraits de ville en France. Lille et Saint-Étienne, mes préférés, mais aussi Rennes, Marseille et Bordeaux. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet éditorial ? Oui, le projet Sociologie de Grenoble, au départ, il est né d'une envie. L'envie de plusieurs enseignants et enseignantes du département de sociologie de l'Université Grenoble-Alpes d'écrire un livre ensemble et d'écrire un livre qui pourrait être utile aux étudiants du département de sociologie et notamment qui pourrait les outiller dans leur apprentissage de l'enquête de terrain. Rapidement, il est venu à l'idée de proposer ce livre à la découverte pour la collection Repères et notamment pour la faire entrer dans cette lignée des sociologies de ville, ce qui est le cas, puisque du coup, sociologie de Grenoble, c'est la petite sœur de sociologie de Rennes, sociologie de Saint-Étienne. Et du coup, se placer dans la lignée de ces ouvrages, ça veut dire que notre objectif, c'était de faire un portrait général et accessible de Grenoble, qui soit rigoureusement scientifique, nuancé, en couvrant un grand nombre de dimensions de la réalité sociologique de la ville, de son histoire économique aux politiques culturelles, par exemple. Et ça voulait dire aussi respecter des contraintes strictes, un cahier des charges en termes de nombre de signes, nombre d'illustrations et de style d'écriture. Très bien. Et comment s'est constitué le collectif alors ? Et sur quels critères vous avez choisi ce nom d'Isor Perrier ? Du petit groupe initial, l'équipe des auteurs et autrices s'est agrandie parce que des sociologues rejoignaient le département. Mais aussi au fil des besoins scientifiques. Des sociologues qui travaillaient sur Grenoble nous ont rejoints, des urbanistes, des politistes. Aujourd'hui, on est 17 et on a choisi de se regrouper collectivement sous le nom d'Isor Perrier. Isor Perrier, c'était une grenobloise qui a vécu entre 1839 et 1930, une éducatrice, une communarde et aussi une militante des droits des femmes qu'on a choisie comme figure tutélaire de notre collectif. C'était une manière de se revendiquer de l'histoire de la ville, mais aussi de s'inscrire dans le récit contemporain de l'histoire de la ville, puisqu'Isor Perrier, c'est aussi le nom d'un parc inauguré en 2022 à Grenoble. Très bien. Alors, pour préparer cette émission, bien sûr, j'ai lu votre livre. Et en vous lisant, justement, je me suis dit que le chapitrage avait peut-être été un choix épineux. Alors, est-ce que ça a vraiment été un casse-tête ou pas? Et comment vous avez fait vos choix? Alors, ça n'a pas été si difficile que cela. Parce qu'en fait, le chapitrage qu'on a choisi, il suit la progression assez classique des sociologies de ville. Et donc, c'est une progression qu'on a choisie en cours de séance d'écriture, collectivement, avec l'idée, en fait, qu'il y a une progression. Le premier chapitre s'intéresse aux clichés sur Grenoble, sur les discours qui existent sur la ville. Et petit à petit, on en vient à expliquer Grenoble aujourd'hui. Les chapitres 2 et 3, ils expliquent la ville en revenant sur les transformations économiques qui ont modelé la composition sociale de la ville. C'est dans ces chapitres qu'on peut faire l'histoire d'une ville qui était célèbre pour la fabrication artisanale des gants de luxe et qui est devenue un pôle d'innovation industrielle et de technologie de pointe. C'est là aussi qu'on fait l'histoire de cette ville et de sa croissance démographique très forte et qu'on raconte l'histoire des ouvrières et des ouvriers, des migrants et des migrantes, des scientifiques, des ingénieurs qui ont habité et travaillé à Grenoble. Une histoire économique et démographique qui permet d'expliquer les inégalités qui structurent la ville aujourd'hui. Ensuite, on a le chapitre 4 et 5 qui explique ou qui s'intéresse à la fabrique de la ville. Qui gouverne Grenoble? Comment vote sa population? Comment s'est construite la ville? Avec quelle politique d'urbanisme et face à quelles contraintes? Et jusque-là, on est finalement dans une progression classique de l'analyse sociologique. Ensuite, il y a les chapitres 6 et 7. Qui sont peut-être un peu plus originaux par rapport aux autres repères de ville. Ils décrivent les modes de vie diversifiés et socialement situés des Grenoblois et des Grenobloises, avec un focus par exemple sur les politiques culturelles, sur la place de la montagne dans les loisirs des habitants, sur celle du sport, particulièrement du football et du vélo. Et le chapitre 7, pour finir, qu'on a intitulé « Naître, grandir, vivre et vieillir à Grenoble », propose de voir la ville aux différents âges de la vie. On y parle de naissance et de mort, de la ségrégation scolaire, des études et des mobilités, tout en regardant comment Grenoble a été le théâtre d'engagements sociaux et avant-gardistes en termes de santé sexuelle et reproductive ou de politique scolaire, par exemple. Ouais, et d'ailleurs, l'introduction fait le pari de revenir sur ces fameuses images médiatiques actuelles de la ville de Grenoble. J'ai cru entendre que Chicagreux, par exemple, ça avait beaucoup plu à Guillaume Herner sur France Culture il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, de revenir sur ces images, mais pour mieux proposer de les déconstruire dans le reste de l'ouvrage, justement. Et ma question, c'était, est-ce que ça a été une évidence pour vous de procéder de la sorte? Qu'est-ce que vous vouliez montrer, finalement, en faisant ça? Oui, c'est comme ça que commence le livre, en se posant la question, que dit-on de Grenoble? Cette ville qu'on appelle parfois la Silicon Valley française, la ville high-tech, la ville sportive au cœur des montagnes, mais aussi la cuvette polluée ou la ville dangereuse qu'on surnomme Chicagreux. Et l'idée du premier chapitre, c'est vraiment ça, c'est de se pencher sur ces images et sur ces discours en cherchant à savoir depuis quand ils existent, qui les mobilise et dans quel but. Et ça, encore une fois, c'est une entrée qui est commune à la plupart des sociologies de ville. Mais ça ne veut pas dire que c'était évident. Parce que étudier la part de vrai d'un stéréotype, le complexifier, le nuancer, c'est une démarche intéressante. Mais la démarche sociologique, ce n'est pas que répondre à des questions qui sont posées par l'opinion, par le monde des médias ou par les mondes politiques. Le propre de la démarche sociologique, en fait, c'est de reformuler les questions. Et pour nous, l'enjeu ici, c'était de documenter Grenoble, sa vie sociale, y compris pour la partie de sa population qui ne fait pas l'objet de discours. Alors certes, dans l'écriture, on part des clichés pour aller vers la nuance et la complexité, parce qu'en fait, c'est un dispositif d'écriture qui est efficace, qui est pédagogique et qui rend le livre accessible, qui est quand même son but premier. Mais notre ligne de conduite, ça n'a pas été d'être une réponse. Notre ligne de conduite, c'était de faire le portrait d'une ville moyenne ou d'une ville petite-grande en tournant le regard à la fois vers ce qui distingue la ville, comme son cadre montagnard ou sa spécialisation technologique, et vers ce qui fait la vie sociale de la plus grande part de sa population, même si les modes de vie sur ce territoire ne distinguent pas Grenoble des autres villes de taille comparable. Et finalement, le livre, nous, on le propose comme un garde-fou contre les discours qui exagèrent certaines de ses caractéristiques pour présenter la ville sous un jour favorable ou pour lui accoler des clichés qu'elle ne mérite pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, une des premières images fortes de Grenoble qui ressort de l'ouvrage, c'est son statut de ville pionnière. Physiquement, d'abord, avec une urbanisation qui a gagné du terrain sur les berges et les marais, et dans la mise en avant de certaines figures de conquérants héroïsés, comme celle d'Aristide Bergès, l'ingénieur précurseur de l'hydroélectricité. Ces expériences et ces figures, adossées au secteur économique de la recherche et du développement en pleine expansion, contribuent à alimenter le récit d'une ville de l'innovation. Pourtant, votre ouvrage, vous le disiez, contribue à déconstruire partiellement ce récit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Comme le disait Louise à l'instant, en fait, un des objectifs, c'était d'explorer ce qui distingue Grenoble et ce qui en fait aussi, bien sûr, une ville comme les autres. En complexifiant, tu le disais Louise, et en nuançant un peu ses représentations collectives, ses représentations binaires. Alors pour ça, on est parti de données empiriques, ce qui est le propre de la démarche sociologique. On a comparé avec des villes comparables, en termes de statistiques, des villes de la même taille, etc., des villes voisines. Et on a fait varier les échelles d'appréhension, que ce soit en ville, dans la commune, dans l'agglomération, dans la région, dans le département, au niveau national, etc. Et en effet, ce qui singularise Grenoble, une des choses qui le singularise, c'est cette image de ville-laboratoire, qui est une image, comme toutes les images, construite socialement, mais aussi fortement politiquement, à Grenoble au long du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, et a fortiori après les années 70. Donc certes, Grenoble, c'est une ville d'innovation scientifique, technique, économique, politique, urbaine. T'es revenu dessus, on revient amplement dessus dans l'ouvrage. Mais on oublie un peu de dire dans les récits communs, dans les représentations collectives, que Grenoble, même si certains le disent quand même, c'est aussi bâti autour de questions éducatives, culturelles, sportives, sociales. Et que le mythe du laboratoire grenoblois, comme le disait Louise à l'instant, il s'est aussi construit autour de mouvements citoyens, et pas seulement de figures tutélaires, d'industriels, etc., même si c'est aussi le cas dans les récits et dans les faits. Des mouvements citoyens en faveur de l'éducation, à la Villeneuve, par exemple. En faveur du sport, de la culture, du féminisme. Le premier centre de planning familial a ouvert à Grenoble dans les années 60. Tout un tas de choses comme ça. En fait, voilà, on n'est pas là pour déconstruire les images, mais aussi, comme tu le disais, Louise, pour les nuancer, les complexifier. Très bien. Et alors, vous rappelez aussi que ce secteur de l'industrie de pointe, couplé à l'importance de la recherche et de l'ingénierie, ça a eu un effet direct sur la sociologie de Grenoble, justement, via l'évolution de sa démographie, avec un nombre d'ouvriers en déclin face à l'augmentation d'autres catégories socioprofessionnelles plus aisées. On pense à la figure de l'ingénieur. Mais cela a eu des impacts directs sur les plans sociaux, urbains, politiques. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut développer un peu cette idée ? Je vais continuer. En fait, l'évolution économique de l'artisanat, de luxe au XIXe siècle à l'industrie, fin du XIXe, début XXe, qui s'est fortement développée à Grenoble comme ailleurs, peut-être plus à Grenoble que dans d'autres villes, pour arriver à l'industrie de haute technologie aujourd'hui qu'on connaît, tout ça, comme tu viens de le dire, s'est accompagné d'une croissance démographique, en fait, forte depuis le XIXe siècle, qui va se stopper à partir des années 70, 1970, années à partir desquelles on va assister à un renversement du rapport de classe entre la bourgeoisie et les ouvriers. La tertiarisation de l'économie va faire que le poids des ouvriers va baisser dans la ville, le poids des cadres va monter, notamment plus tard, à partir des années 80, celui des ingénieurs et des professions intellectuelles supérieures. Les ingénieurs, les professions intellectuelles supérieures qui ont un poids très fort proportionnellement à Grenoble, plus que dans d'autres villes comparables, mais plus que dans des villes plus grandes d'ailleurs aussi. Et tout ça va aboutir à des inégalités sociales et spatiales, des inégalités économiques dans l'espace qui demeurent fortes à Grenoble. Et on va peut-être en parler, mais Grenoble n'est pas qu'une ville de riches, contrairement au discours qu'on entend souvent Les professions scientifiques, par exemple, n'ont pas un capital économique qui permet de faire monter le revenu médian, qui reste assez bas à Grenoble par rapport à d'autres villes comparables. Tout à fait, parce que c'est l'occasion d'ailleurs de rendre hommage au travail de Mathieu Giroux qui avait fait sa thèse sur le quartier Beria-Saint-Bruno. La gentrification ne serait pas une tendance si forte que cela à Grenoble. En tout cas, c'est ce que vous montrez en comparaison avec l'évolution démographique des communes limitrophes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette gentrification finalement assez limitée à Grenoble ? En peu de temps. En effet, ça dépend des quartiers, cette gentrification. L'hypercentre, assez classiquement, l'hypercentre de Grenoble, pour les Grenoblois, il est marqué assez classiquement par la bourgeoisie, marqué spécialement par la bourgeoisie. Mais on a des quartiers de logements sociaux dans cet hypercentre qui côtoient les quartiers plus bourgeois. Les berges de l'Isère, l'île verte, sont, elles, en gentrification depuis les années 70 et sont plus homogènes socialement, plus bourgeoises, on va dire. Et le quartier Beria-Saint-Bruno, et tu rappelais la thèse de Mathieu Giroux en 2007, sur celle de la gentrification, c'est un quartier en cours de gentrification où on constate ce que Mathieu Giroux appelait des continuités populaires, c'est-à-dire un marquage spatial des classes populaires qui est encore présent et qui ralentit peut-être à développer cette gentrification. Donc ça dépend vraiment des quartiers. Le sud des grands boulevards, lui, on a une zone tampon résidentielle entre le centre plus bourgeois, mais hétérogène socialement, j'insiste dessus, et le sud où on trouve, le sud de la ville, où on trouve les quartiers, les grands quartiers populaires, politiques de la ville, la Villeneuve, Mistral, à l'ouest, etc., village olympique, où là, on a des catégories sociales plus populaire, donc, et on a une gentrification qui est relative, c'est assez classique, des quartiers, mais on a des quartiers très populaires à l'intérieur de Grenoble, des quartiers politiques de la ville, ce qui n'est pas le cas partout dans les villes de cette taille-là. Et donc, on a une gentrification relative, mais une ségrégation très importante, je dirais. L'image qu'on a tous, c'est le nord bourgeois, le sud populaire. C'est pas une image complètement fausse dans les statistiques, même si c'est plus compliqué que ça, je viens de le dire, avec l'hétérogénéité socio-spatiale, mais on a cette ségrégation qui est forte à Grenoble par rapport à d'autres villes de la même taille. Et alors, ces évolutions, elles évitent également à revenir sur les mutations de la géographie électorale de ces dernières années. Vous avez constaté des changements intéressants en fonction des quartiers, mais aussi des scrutins. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien revenir sur ces mutations du vote ? Oui, alors Grenoble est une ville de gauche, c'est un lieu commun, mais ce n'est pas une nouvelle ville de gauche, elle a été de gauche tout au long du XXe siècle. La plupart de ses maires étaient des maires de gauche au XXe siècle, à quelques exceptions près, dont une est assez récente, donc on s'en rappelle, il y a eu Michalon, etc. aussi. Il y a quelques maires de droite, mais c'est quand même une ville qui vote à gauche depuis le XIXe siècle. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et on a une carte très intéressante dans l'ouvrage, pour ceux qui le liront ou qui l'ont lu, qui nous montre en fait le poids, et c'est pas qu'au niveau local, le poids, les résultats des scrutins aux élections européennes et nationales, ça s'observe aussi dans ces scrutins-là, et notamment le poids la carte porte sur le score des listes de gauche aux européennes de 2024, et on constate que le centre vote à gauche, notamment du fait des diplômés de l'enseignement supérieur qui votent plutôt à gauche, et ça c'est assez classique dans les métropoles de cette taille, dans les pourtours du centre aisé, les pourtours aisés du centre-ville. Mais le poids est important dans les quartiers populaires dont je parlais tout à l'heure, les quartiers populaires du sud notamment votent beaucoup à gauche. Le score de ces élections dépend beaucoup de ces quartiers populaires. Et ça, c'est une spécificité aussi de Grenoble. Et dans le scrutin des élections européennes en 2024, on retrouve un vote à gauche d'abord dans ces quartiers populaires et c'est suivi des scores du centre-ville, des quartiers du centre-ville. Donc ça, c'est une spécificité de la géographie électorale grenobloise. Très bien. Alors pour terminer sur ces conséquences de l'évolution de la composition démographique de la ville de Grenoble, on peut dire aussi que ça a eu des effets non négligeables sur un rapport à la culture et aux politiques culturelles locales. Beaucoup d'équipements culturels de la métropole grenobloise, par exemple, sont en lien direct avec les sciences. Pourtant, et c'est un point intéressant que vous soulignez dans l'ouvrage, c'est un genre de capital culturel aussi inégalitaire que l'artistique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors tu as bien résumé, en fait, ces politiques culturelles à Grenoble sont l'affaire d'héritage, en fait, d'un héritage qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, pour le dire rapidement, à la résistance, à l'après-guerre, et d'acteurs et d'actrices aussi issus des mouvements militants et professionnels. Qui font qu'on a aujourd'hui un fort taux de grands équipements culturels à Grenoble par rapport à d'autres villes comparables, proportionnellement à son nombre d'habitants. C'est dû à plusieurs facteurs. Donc la tenue des JO, des Jeux Olympiques en 68, qui a permis le développement de ces grands équipements culturels. La fondation de Peuple et Culture, qui est très importante, qui est une association un peu qui promeut la culture pour tous, et qui est issue de l'éducation populaire et de la résistance. L'élection de Dubedou dans les années 60, qui soutient le développement d'un réseau culturel important dans la ville. L'évolution sociale dont on parlait tout à l'heure, le renforcement du poids des cadres, mais aussi des ingénieurs, des professions intellectuelles supérieures, d'où aussi la demande de socialisation à la science pour les plus jeunes, qui fait partie aussi de ce panorama des politiques culturelles à Grenoble. Mais toutes ces politiques culturelles, en fait, on peut les mettre en regard, comme tu le mentionnais, au regard des pratiques et de la fréquentation de ces grands équipements qui est très socialement différencié entre les classes populaires et les cadres et les ingénieurs. Tout comme les pratiques sportives aussi, ce qu'on montre dans l'ouvrage, et malgré ces volontés d'accès à la culture pour tous. Willkommen bei Radio Campus Grenoble. Wir senden live von der Architekturschule in Grenoble. Sie können uns auf der Frequenz 90.8 empfangen im Rahmen der Eröffnung des Radiostudios. On retrouve en direct le studio radio de l'ENSAG UGA et en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM. J'adore dire ça. Et on reprend avec les auteurs et autrices de Sociologie de Grenoble pour parler de leur ouvrage. Et on reprend tout de suite avec une figure qui transparaît en filigrane dans votre livre, mais que vous n'abordez pas frontalement, qui est, pour moi en tout cas, indissociable de celle de l'ingénieur, c'est celle du Grelou, qui traduit un rapport à la montagne et aux activités sportives qui s'y déroulent assez particulier. Et qui est parfois gentiment moqué localement. Donc vous n'en parlez pas du tout. Vous vouliez éviter les fâcheries grenobloises ? Non, pas du tout. C'est parce que le Grelou, c'est un objet, c'est un personnage du folklore grenoblois. C'est pas si facile à documenter sociologiquement. Pour les personnes qui n'auraient pas de représentation de ce que c'est un Grelou, c'est un ingénieur ou une ingénieure, un cadre sup en tout cas, qui arrive au travail le lundi matin en tenue de sport technique et qui est heureux de dire à ses collègues « J'ai fait le Mont-Aiguille ce week-end, les conditions étaient top ». Il incarne de manière stéréotypée quand même un certain nombre de réalités sociologiques à Grenoble. D'abord, c'est la forte proportion d'ingénieurs et de professions intellectuelles supérieures dans la population active de la ville. Il faut savoir que Grenoble, c'est la ville de France où il y a la plus forte proportion d'ingénieurs dans la population active. Ça nous oriente aussi pour renseigner la pratique des sports de montagne à Grenoble, qui sont importants, plus qu'ailleurs, mais aussi la distribution sociale de cette pratique. Une enquête dont on exploite les résultats dans le livre a été réalisée par les étudiants de L2 de sociologie et montre que plus les personnes sont diplômées, plus elles pratiquent la randonnée et le ski. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut rattacher à la figure du Grelou. Par exemple, la forte densité, quasiment exceptionnelle, des commerces d'articles de sport à Grenoble, qui lui valent la troisième place dans le classement national des magasins, des villes avec le plus grand nombre de magasins de sport par habitant. Ou encore, la pratique du vélo. Grenoble est la ville où les gens utilisaient le plus le vélo pour aller au travail. Mais là encore, attention, ce sont les cadres et les professions intellectuelles supérieures qui utilisent le plus le vélo pour aller au travail, alors que les employés vont plutôt utiliser les transports en commun et la marche, et les ouvriers, la voiture. Donc en fait, ce personnage du Grelou, il dit des choses vraies, mais vous avez raison Camille, on s'en moque un peu du Grelou. C'est parce qu'en fait, derrière ce personnage, on exprime une distance, une distance de classe, une distance sociale, qui nous rappelle aussi que tous les Grenoblois ne sont bien sûr pas ingénieurs, que tous ne font pas de la randonnée le week-end, qu'il y a aussi des ouvriers, des employés qui préfèrent le football ou qui ne font pas de sport et qui sont très contents comme ça. C'est vrai. Alors, on approche des municipales de 2026 et ça me fait penser qu'il faudrait peut-être revenir aussi sur la construction d'une image de ville verte entre la municipalité gagnée par Éric Piolle, les politiques de mobilité et de végétalisation ou encore le souci pour la qualité de l'air. Les efforts semblent réels, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur des enjeux climatiques actuels et à venir. Alors, dans ce contexte, ce que je me posais comme question, c'est quel poids la trajectoire industrielle et urbaine de Grenoble, elle peut avoir dans ce que nous vivons aujourd'hui ? Alors, pour revenir sur cette idée de figure de ville verte, on a entendu tout à l'heure Tavernol, des sons bucoliques, et en fait, c'est ce qui fait effectivement le cadre vert de Grenoble. Donc, ce qui donne déjà une idée d'un qualificatif d'une ville entourée par des montagnes. Malheureusement, le fait d'être dans un cadre de montagne fait qu'on est dans une vallée encaissée, on a des rivières torrentielles, on a une nappe phréatique qui est affleurante. Et si on ajoute à ça effectivement l'implantation d'industrie de chimie lourde, une augmentation des déplacements motorisés, on a une ville qui va cumuler effectivement un niveau de pollution et de difficulté au niveau de la qualité de l'air qui est assez important, auquel on peut aussi ajouter les feux de cheminée avec des feux de cheminée avec du bois. Tout ça, c'est des questions qui se posent à Grenoble depuis très longtemps, en fait. C'est pas nouveau, mais ça amène la population à se soucier peut-être plus qu'ailleurs de son environnement. Et ça peut expliquer le fait que, progressivement, les politiques ou les élus ont des propositions, des solutions qui prennent en compte l'environnement. Et ça peut expliquer comment arrive, effectivement, sur Grenoble, une équipe politique à majorité écologiste. Et ce qui est intéressant avec cette équipe politique, c'est qu'elle doit effectivement construire un modèle de ville verte, puisqu'ils appartiennent à un mouvement qui s'appelle Les Verts. Et c'est la première fois, effectivement, qu'on a dans une ville une équipe qui, en matière de projet urbain, propose la déconstruction, propose de ne pas surdensifier, propose quelque chose de nouveau, c'est-à-dire non pas de travailler sur les pleins de la ville, c'est-à-dire sur le construit de la ville, mais de travailler sur les vides de la ville. Ça, c'est quelque chose, effectivement, de nouveau qui vient dans cette figure, dans la construction d'une ville verte. Et on va voir au cours du premier mandat, effectivement, d'Éric Piolle, tout un travail, toute une réflexion pour constituer, effectivement, la figure de la ville verte ou la figure de l'urbanisme vert. Avec aussi l'idée au niveau de la construction de ne plus effectivement employer le terme de BTP pour bâtiments et travaux publics, mais bois, terre, paille. Le fait de dire qu'on va construire un urbanisme favorable à la santé, etc. etc. Voilà comment est-ce qu'on construit effectivement aujourd'hui une figure de ville verte à Grenoble et ce qui lui permet de candidater et d'obtenir le titre de capitale verte européenne. Ouais. Alors cela transparaît sans doute un peu moins dans les médias, mais le caractère pionnier de la ville de Grenoble se retrouve également dans nombre d'héritages sociaux, politiques et culturels. Tu le mentionnais, Grégory, tout à l'heure. On pense à l'événement des Tuiles, le GAM, le planning familial, l'éduc pop, le 102, la culture squat, la presse contestataire comme le postillon, un peu pêle-mêle, et bien sûr une richesse associative et militante. Alors en ce jour de mobilisation nationale, je me posais la question du maintien d'une spécificité grenobloise de ce point de vue. Grenoble est-elle toujours aussi rebelle ? La question est intéressante. C'est vrai que Grenoble jouit de cette réputation d'une ville rebelle, une réputation qui se construit historiquement selon les phases politiques. Par exemple, les années du Bedou ont beaucoup cristallisé cette idée de ville d'avant-garde, ville à la pointe des combats sociaux, en puisant dans l'histoire, la résistance, la journée des Tuiles. Demander si la ville elle est toujours rebelle, c'est aussi poser la question de l'héritage et du devenir de ces luttes sociales. Est-ce que les combats d'aujourd'hui, les engagements des Grenoblois et des Grenobloises d'aujourd'hui sont dans la filiation des combats d'hier ? Et dans certains domaines, on peut dire que oui. Par exemple, dans celui de la santé sexuelle et reproductive et des combats féministes, Grenoble, dans les années 60-70, c'est un haut lieu du féminisme, avec en 1961 l'inauguration du premier planning familial. On parle de Grenoble dans la France entière, au début des années 70, avec les combats pour l'avortement. La municipalité du Baudou financera d'ailleurs un des premiers centres d'orthogenèse, donc où se pratiquent les avortements. Et ce dynamisme-là, il se retrouve à Grenoble encore, de l'engagement féministe et de l'engagement pour la santé sexuelle et reproductive, dans des lieux, des cafés, des librairies, des bibliothèques, des institutions, qui sont des lieux qui sont plus ou moins officiels. Il y a aussi des collectifs plus informels, mais qui ont bénéficié de ce terrain fabriqué par les aînés. Le livre, il explore aussi, ou il présente d'autres formes de rébellion à la grenobloise, on pourrait dire, rébellion ou alors fabrique propositions d'alternatives, par exemple sur le thème de l'écologie. On renseigne avec ce livre, par exemple, l'existence d'une nébuleuse technocritique à Grenoble à travers des médias comme Le Postillon ou des réseaux comme Pièces et Main d'œuvre, mais aussi comme autour d'un écosystème de lieux, de collectifs, d'associations qui s'apparentent à l'idéologie makers. C'est des endroits où on va faire de l'agriculture urbaine, réparer des vélos, recycler du matériel informatique. Et puis de temps en temps, cette nébuleuse, elle surgit, elle prend forme au cours d'événements, comme par exemple au printemps 2024, autour de l'affaire de l'eau et des mobilisations contre le projet d'agrandissement des installations industrielles de STMicro, Electronics et Soitec. Mais mettre en avant ces mouvements, ces combats, ces engagements, faire le lien avec l'histoire, ne doit pas se faire sans oublier, encore une fois, que ces actions, ce militantisme, n'est pas le fait de toute la population de la ville et que les personnes qui sont étrangères à ces engagements ou qui en ont d'autres ne sont pas moins grenobloises que les autres. Pour conclure, pour répondre à votre question, Camille, je dirais que dire que Grenoble est toujours une ville rebelle, c'est une jolie figure de style qui est difficile à documenter sociologiquement. En revanche, on peut dire qu'il y a toujours des rebelles à Grenoble. C'est vrai. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'ENSAG, dans le quartier de la Villeneuve, utopie urbaine et sociale des années 60 et 70. Et je me demandais à quel point ce quartier, son évolution et les politiques publiques en cours n'étaient pas un exemple particulièrement révélateur de la tension entre héritage et mutation de la ville de Grenoble. Alors, rapidement, on parle beaucoup d'héritage là, on en parle beaucoup aussi dans le livre hein, pour discuter aussi ces héritages, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Bien sûr, la Villeneuve, c'est l'héritage de l'utopie, des utopies de l'après 68, pour le dire rapidement, très rapidement, utopie du mélange social, de l'éducation populaire, de l'expérimentation ou des expérimentations scolaires, faire rentrer l'école dans la ville, dans le quartier, etc. On a tout cet héritage social là. Et une évolution depuis les années 80 qu'on peut renvoyer à l'abandon, pour une part des services publics, des bailleurs sociaux, à une forme de une volonté de normalisation, par exemple de l'éducation, de l'enseignement, etc. La crise économique, précarisation, contournement scolaire, tous ces phénomènes qu'on retrouve, qui ne sont pas propres à la ville de Grenoble et au quartier de la Villeneuve, hein, bien sûr, qu'on retrouve un peu partout dans les quartiers populaires. Mais, parce qu'il y a un mais, on retrouve quand même à la Villeneuve, et pour ceux qui savent, ils le savent, pour les Grenoblois, ils le savent, et les Grenobloises, un tissu associatif, on en parlait tout à l'heure, on en parlait à l'instant, qui est très important à la Villeneuve, qui tisse un petit peu le quartier, qui est toujours là, malgré une image ternie, particulièrement à la Villeneuve, mais c'est le cas aussi dans d'autres quartiers en France, par le discours médiatique, par le discours politique, depuis des décennies, depuis plusieurs décennies, au moins trois ou quatre. Les années 2010 ont fait beaucoup de mal à la Villeneuve, en termes de discours médiatique et politique, je reviens pas dessus. Et malgré tout ça, on a quand même un tissu associatif qui essaie de demeurer, qui essaie de tenir les choses et qui hérite un petit peu de cette utopie de l'après 60. Ça, c'est du point de vue de l'héritage social, je dirais. Il y a l'héritage architectural, urbanistique, avec l'Arlequin, par exemple, que les Grenobloises et les Grenoblois, au moins ceux qui prennent le tram A, connaissent, parce qu'ils passent devant, et les autres, d'autres le connaissent aussi. Avec ses grandes coursives, sa galerie, ce parc de la Villeneuve qui est entouré de bâtis, ce grand parc paysager qui est entouré de bâtis, c'était le choix de l'époque. Tout cet urbanisme, cette architecture qui est remise en cause aujourd'hui par le programme de rénovation urbaine, pour le dire rapidement, résidentialisation, ouverture du parc sur l'extérieur, sur le reste de la ville, etc., qui se défend, qui se justifie. Mais on a vraiment, comme tu le disais, là, une tension. Alors, une tension sociale dans l'héritage social, mais une tension aussi dans l'héritage urbanistique, avec d'autres conceptions de voir la ville qui sont celles, je ne vais pas dire pour aller vite, qui sont celles d'aujourd'hui, mais qui sont celles de l'ANRU, en tout cas, qui ne tolèrent pas ce genre d'héritage. Voilà. Les tensions, elles sont à la fois urbanistiques et sociales. Ouais. Alors, enfin, pour en finir avec la déconstruction de cette figure de ville pionnière, je me posais une question, alors, peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels Grenoble est à la traîne ? Alors, on a vu que Grenoble aimait à se présenter effectivement comme ville pionnière, et particulièrement dans tout ce qui est projet participatif, milieu associatif, intelligence collective. Et là où elle est à la traîne, c'est dans la constitution d'une métropole. C'est-à-dire que cette ville qui sait si bien parler et se présenter comme une ville de l'intelligence collective, elle n'a pas encore trouvé la capacité à partager les pouvoirs, à comprendre effectivement comment est-ce qu'au niveau d'un territoire, on peut partager les décisions, partager les pouvoirs. Donc s'il y a un endroit où Grenoble est à la traîne, et ce qui peut paraître un peu étonnant, c'est qu'effectivement c'est à cet endroit-là. La chance qu'elle a, c'est que effectivement on va avoir des élections municipales dans peu de temps, donc on va avoir une redistribution des cartes, ce qui devrait permettre à cette ville de se re-questionner effectivement sur la question de cette intercommunalité, de cette construction métropolitaine, puisque aujourd'hui on sait très bien que tous les problèmes, toutes les questions qu'on a posées dans notre ouvrage, elles ne peuvent pas se résoudre à l'échelle de la ville de Grenoble, mais elles ne peuvent se résoudre qu'à l'échelle métropolitaine. Alors vous évoquez, c'est ma dernière question, vous évoquez en conclusion une ambition pédagogique dans cet ouvrage, et elle est tout à fait palpable à la lecture, cette ambition. Et ma question, ce serait, selon vous, quel grand sujet mériterait une étude approfondie et a priori manquante à ce jour, via un mémoire de master, par exemple? Alors on n'a pas évoqué ensemble les chiffres de la criminalité, par exemple, mais vous dites vous-même dans l'ouvrage qu'on manque de données à ce sujet. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une piste de réponse, ou vous pensez peut-être à d'autres choses? Oui, il y a quelque chose qu'on a moins dit là dans les questions et qui va dans le sens de ce dernier point, c'est que Sociologie de Grenoble, c'est un projet éditorial, mais en fait, c'est aussi un projet de formation. Hein. Et depuis le départ, c'est un livre qu'on a construit pour les étudiants en sociologie, en urbanisme, en architecture, les étudiants du travail social, par exemple, mais aussi avec eux. C'est-à-dire que ça fait 2 et même 3 ans que tous les cours d'enquête du département de sociologie porte sur Grenoble et amène les étudiants et les étudiantes à enquêter sur Grenoble, et certains des résultats de ces travaux se trouvent dans l'ouvrage. De même, une étude sur les questions de la ville violente, l'étude sur le comptage des unes du Dauphiné, qui mentionne cette réputation de ville dangereuse, a été réalisée par une étudiante de Master 2, tout comme toutes les cartes de l'ouvrage. Et la conclusion du livre, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur Grenoble, et tout ça ouvre la porte pour de nouvelles recherches qui pourraient faire l'objet de mémoires. Et sans avoir de sujet précis, je remarquerai qu'à Grenoble, comme dans toutes les villes dont on fait la sociologie, on sait beaucoup de choses sur les cadres sup, sur les milieux populaires, mais il y a un grand absent encore, c'est les personnes issues des classes moyennes. Oui. Alors, ce sera... Alors, Grégory, le mot de la fin. On voulait tous les trois réagir dessus très rapidement. Ouais, en effet, pour compléter un peu ce que tu dis, Louise, l'idée, c'était aussi de faire le point sur ce que l'on sait de Grenoble, un manuel, mais voilà, mais aussi sur ce qu'on ne sait pas et sur ce qu'on connaît mal. Et c'était pas à nous, en un an et demi, de faire toutes les enquêtes. Et voilà, c'était ça qu'on a essayé de poser aussi. Alors en effet, les classes moyennes, l'image de la ville violente, merci d'ailleurs de ne pas nous avoir posé de questions dessus, en ces temps de campagne municipale. Mais ce que tu disais tout à l'heure, compléter un peu cette étude, qu'est-ce qui a construit, comment s'est construite cette image de ville violente, par qui, quand. Et là, il y a toute une histoire à faire, et on en a des bribes, hein, mais voilà, il y a ça. Il y a la question des inégalités environnementales dont on parlait tout à l'heure, d'inégalité d'accès à la montagne, et pas seulement qu'au sport de montagne, d'inégalité d'accès à la nature, je pense à ça. La question de la périurbanisation qu'on pointe aussi dans Grenoble, mais qui est encore assez mal connue, même si voilà, la périurbanisation avec la montagne, etc., ça commence à être documenté, mais il y a des travaux systématiques qui pourraient un peu développer ça. Et pour finir, parce qu'on est dans une école d'architecture, on a observé quand même que Grenoble, il y a un patrimoine du XXe siècle qui est très riche. Et il y a tout un travail à faire effectivement pour des étudiants dans une école d'architecture sur la réflexion sur comment est-ce qu'on revient réhabiliter ce patrimoine du XXe siècle pour qu'il puisse supporter effectivement la vie au XXIe siècle. Comment est-ce qu'on déconstruit, comment est-ce qu'on réemploie des matériaux. Donc là, pour des étudiants, il y a aussi un sacré diplôme, un sacré travail à faire. Merci beaucoup. Alors, nous étions en direct du plateau radio de l'ENSAG UGA et en direct sur Radio Campus, Grenoble, pour parler de l'ouvrage Sociologie de Grenoble du collectif Isor Perrier, Natacha, Louise, Grégory. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui avec moi. Alors, nous n'avons bien sûr pas eu le temps d'épuiser toute la richesse de cet ouvrage, qui est court certes, mais très dense. Et c'est pour moi l'occasion donc de rappeler qu'il est possible de retrouver d'autres membres du collectif Isor Perrier ce soir à la librairie du Square pour une séance de présentation et de dédicace. À quelle heure ? À 19h. faire sur une planète connue. Et puis, thank you.